بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc on continue la suite de qu'est-ce qu'on a commencé avant la prière au sujet de la fatwa de Qardawi, alaykoum salam wa rahmatullah, au sujet du fait qu'il a dit que c'est permis de souhaiter bonne fête aux kuffars et lors de leur fête. Donc on a mentionné que ça c'était pas permis et on a montré les preuves de ça. Et là, on mentionne maintenant, c'est quoi les arguments de Qardawi? Qu'est-ce qu'il a utilisé comme jugement? Mais avant de continuer dans ce point-là, on veut expliquer un point important et ça a rapport avec la question de Al-Wala ou Al-Bara. On a déjà parlé de ça dans différents cours et on a fait comprendre que Al-Wala, l'il-Kuffar, qu'est-ce qui est kuf dans, qu'est-ce que quand tu dis Al-Wala, que tu prends les kuffars pour t'allier, qu'est-ce qui est kuff là-dedans? C'est quand tu t'allies à eux par ton cœur, dans le sens que tu les aimes pour leur mécréance. Tu les aimes parce qu'ils sont des chrétiens, parce que tu aimes le christianisme, parce que tu aimes le judaïsme, puis que tu es d'accord avec leur croyance de kuffar, ou bien que tu es d'accord avec l'idolâtrie, ou avec l'adoration des idoles, ou de qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu es d'accord avec la magie, ou tu es d'accord avec d'autres choses qui sont kuffar, là, ça c'est une forme de wala que tu t'allies avec les kuffars parce que tu aimes leur mécréance, ça te fait sortir de l'islam. Et c'est pour ça que tu vois dans les citations qu'on a mentionnées tout à l'heure, les ulama, ils ont dit, par exemple, man ahda ila من أهدى فيه ببيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر. C'est pour ça qu'ils ont spécifié celui qui a donné un œuf à un mushrik dans le jour de leur fête parce qu'il exalte ou il a du respect pour ce jour-là, pour leur fête, il est kafir. Parce que c'est une action du cœur, du fait qu'il respecte cette fête. Hein? Tandis que s'il le donne au kafir, pas parce qu'il respecte ce jour-là, mais juste comme ça, hein? Et ben dans ce cas-là, il n'est pas kafir, mais ce qu'il fait, c'est haram quand même, tu vois? C'est parce qu'il y a une différence entre qu'est-ce qui fait sortir de la foi et qu'est-ce qui ne fait pas sortir de la foi. Il y a des formes de wala qui sont kufr, il y a des formes de wala qui sont juste haram. Hein, puis il y a des formes de voilà, hein, tu vas dire que c'est voilà, mais c'est, disons c'est permis dans certains cas, parce que ça rentre pas dans les actions qui sont en contradiction avec la charia, ok? Comme par exemple de faire du commerce avec les kuffars, ou bien par exemple tu es marié avec une chrétienne, hein, des choses de ce genre, tu aimes, c'est ta femme, tu l'aimes, elle est chrétienne ou elle est juive, ça c'est pas kuffar, parce que tu l'aimes pas pour sa religion, tu l'aimes pas pour son kuffar. Tu l'aimes parce que c'est une femme et elle te plaît, puis yani, tu viens avec elle, d'accord? Mais si elle commence à insulter l'islam et les musulmans, tu vas la détester, même si c'est ta femme, hein, parce que, exactement, tu la détestes pour son coup. Non. Non. Masha'Allah. Barakallahu fik. Non. Donc c'est ça qu'on explique. Tu peux faire de la nourriture pour les kuffars et tu leur donnes, mais pas le jour de la fête. Et tu peux, ils peuvent te donner des cadeaux ou te donner de la nourriture, mais pas ce jour-là. N'importe quel jour, les autres jours de l'année, mais pas quand c'est leur fête. Parce que ça a un rapport avec leurs croyances et avec leurs coutumes qui sont contraires à l'islam. Donc, le cheikh, il dit que Al-Qardawi, donc, il s'est basé sur ce verset-là qui est général, qui nous incite juste, ou qui nous dit juste à, qui nous incite d'être bons envers les kuffars, qui nous ont pas combattus, puis qui nous ont pas expulsés de nos maisons, d'être bons et d'être juste avec eux. Mais, tu peux pas utiliser ça comme une preuve pour permettre quelque chose alors qu'il a été interdit par des textes spécifiques. Et il dit, فَجَعَلَ مِنْ ذَلِكَ تهنية الكفار في أعيادهم مع أن الله جل جلاله يقول في أول هذه السورة. Donc, il a pris ça comme une preuve, alors qu'au début de, ce, de cette sourate dans laquelle il a pris ce verset, dans sourate Al-Mumtahana, il y a l'interdiction de prendre pour allier les juifs et les chrétiens, et le fait de, et les koufars en général. Donc le fait de souhaiter bonne fête aux koufars, c'est une forme de wala, lorsque, si tu leur souhaites bonne fête lors de ces jours de fête-là, c'est une forme de wala pour les koufars. Si tu le fais, tu leur souhaites bonne fête, tu crois en ces, tu aimes ces fêtes-là et tu respectes ces fêtes-là, là ça c'est kufr, hein. Voilà. Et donc, c'est ça. Exact. Mais si tu dis bonne fête, joyeuse fête ou tout, et que tu crois pas et que tu respectes pas, mais tu fais juste répondre comme ça, ça c'est haram. Ça c'est haram, t'as pas le droit. Hein, mais ça rentre pas jusqu'au coup. Quand on dit bonne fête, ça dit joyeux Noël, bonne année, des choses là. Mais il y a un problème. C'est que quand, comme le frère Hicham il a mentionné l'autre jour, c'est un point très important. Deux personnes, un qui souhaite joyeux Noël à un kafir, puis l'autre qui souhaite joyeux Noël à un kafir. Il y en a un, il le dit dans son cœur, il a du respect et il aime cette fête, et l'autre il le dit et il déteste cette fête, il rejette cette fête. Les deux sont pas pareils, mais toi, est-ce que tu peux savoir lequel des deux le fait ou non? Non. Donc, de toute façon, les deux sont dans le haram, mais il y en a un qui est kafir et l'autre qui n'est pas kafir. Voilà, c'est ça la différence. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, on va essayer de continuer, Inch'Allah, l'explication. Deuxième argument, sa deuxième preuve, c'est quoi? استدلاله بأقيفة ضعيفة ومعارضة للنصوص الصريحة مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وكلام أهل العلم المتواتر من أهل التفسير والحديث والفقه، ومن ذلك قياسه تهنئة الكفار بجواز الزواج بالنساء من نساء أهل الكتاب، مع أن الله تعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقد نبه العلماء على أن المحبة أقسام، والمراد بجواز النكاح ليس مودة ومحبة على حساب الأحكام الشرعية، فكيف إذا انضاف إلى ما سبقت الإشارة إليه من عدم جواز هذه التهنئة والقياس كالتيمم إنما يلجأ إليه إذا لم يعلم الدليل. ولهذا قال الإمام أحمد وليس في السنة قياس، أي نعم، ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى. Donc c'est un point ici qu'il mentionne qui est important. Il dit que il se base sur des fausses analogies qui sont faibles et qui sont en opposition avec les textes clairs et explicites de la charia, parmi les preuves du Coran et de la Sunna et des paroles des salafs de la Ummah et des paroles des savants qui sont rapportées en grand nombre parmi les savants de tafsir et de hadith et de fiqh. Et parmi les exemples, c'est les formes d'analogies qu'il fait pour dire que c'est permis, en disant que c'est comme l'homme qui est marié avec une femme parmi les femmes des gens du livre. Yani, c'est-à-dire que tu as le droit de leur souhaiter bonne fête parce que tu as le droit de marier les femmes des gens du livre. Et malgré que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, tu ne trouveras pas parmi les gens qui ont cru en Allah et au jour dernier, qui aiment ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager, même si c'était leur père, ou leur fils, ou leur frère, ou leur tribu. Donc le cheikh il dit que les ulama ont clarifié que l'amour elle est en différentes catégories, hein, c'est-à-dire il y a al-mahabba al-diniya wa al-mahabba al-tabi'iya, hein, et al-mahabba al-diniya, l'amour qui est religieux, elle est basée sur al-hubbu fillah wa al-bughdu fillah, mais al-mahabba l'amour qui est tabi'iya, ça c'est un amour qui est pas religieux, c'est-à-dire pas basé sur la, directement, elle n'a pas un lien direct avec la religion, c'est quelque chose de naturel et instinctif que Allah a mis en chaque être humain, et même en les animaux. Donc ça n'a pas rapport avec, cette religion, avec les règles de la religion, dans le sens que toi tu as un amour naturel envers tes parents, tu as un amour naturel envers tes enfants, tu as un amour naturel envers ta femme, et ça, ça n'a pas un lien avec ta avec les questions de religion. Et cet amour naturel-là, elle passe pas devant l'amour de la religion ou religieuse. La preuve de ça, c'est que lorsque ton père ou ta mère ou ton frère ou ton enfant ou même, yani, même par exemple ta femme insulte Allah ou insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou insulte la religion de l'islam, tu les détestes. Même si ce sont tes proches parents, même si ce sont ta femme, même si ce sont tes enfants, tu les détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas de preuve dans cet argument que Al-Qardawi a mentionné. Et le cheikh dit que les ulama ont clarifié cette distinction-là et ils ont montré qu'il n'y a pas d'amour dans ce qui est, il n'y a pas d'amour au dépens de, des règles de la charia, c'est-à-dire tu peux pas passer ton amour au-dessus des règles de la charia. Alors, comment tu pourrais dire, par exemple, faire, de souhaiter joyeux Noël, bonne année au kuffar? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il dit, les ulama ont expliqué que l'amour, elle est en différentes catégories, comme on a expliqué. Et, donc quand tu dis que tu as le droit de te marier avec une femme chrétienne ou juive, ça ne veut pas dire que tu as le droit de l'aimer. Hein? Ça ne veut pas dire que tu as le droit de l'aimer, yani, d'un amour religieux. Et donc, tu dois te limiter au texte de la religion qui explique cette chose-là. Hein? Et comment donc on pourrait, yani, commencer à faire des prières au sujet des fêtes et pour dire que c'est halal? Hein? Alors que lorsqu'on prend et utiliser un qiyas, alors que le qiyas il est comme le tayammum, c'est-à-dire que tu peux pas faire le tayammum s'il y a de l'eau, hein? Et tu, donc c'est ça, s'il y a de l'eau tu peux pas faire le tayammum, et donc t'as pas le droit de faire le qiyas s'il y a un texte clair et il y a une preuve claire. C'est ça ce que le cheikh veut dire. Il veut dire quand tu as le droit de faire le qiyas, alaykoum salam wa rahmatullah, tu as le droit de faire le qiyas quand il n'y a pas de texte clair sur un sujet. Mais lorsqu'il y a un texte clair sur un sujet qui montre que c'est haram ou halal, alors tu n'as pas le droit de faire le qiyas. C'est comme le tayammum, quand tu as de l'eau, tu n'as pas le droit de faire le tayammum. C'est ça ce qu'il n'avait pas compris au début, mais là ça s'est clarifié. Après il dit وليس في السنة, hein, l'imam Ahmed il dit وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء وإنما. Donc il dit l'imam Ahmed, il n'y a pas de qiyas dans la sunna et tu ne dois pas commencer à faire des analogies et donner des exemples à ce sujet là par rapport à la sunna, et tu dois pas essayer de la comprendre par ta raison, c'est uniquement, hein, par ta raison ou par tes passions, tu dois uniquement suivre la sunna et t'écarter des passions et des bid'ah. Donc c'est pour dire que tu peux pas comprendre la sunna et tu peux pas comprendre la religion en te basant sur ta logique, sur tes passions, il faut que tu te bases sur les preuves de la sunna et que tu dois le suivre. إذا وفي رواية الميموني عن الإمام أحمد رحمه الله يجتنب المتكلم في الفقه أو يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس. الميموني إلى رابورتي selon الإمام أحمد qu'il faut s'écarter, pour celui qui veut parler du fiqh il doit s'écarter de ces deux fondements là, المجمل والقياس, c'est-à-dire de dire des choses générales et de faire des analogies. Ça, c'est les deux choses que tu dois t'écarter si tu veux parler du fiqh. Et lui, Al-Qardawi, il a réuni les deux. Le Mujmal et le Qiyas. Allah nous ta'ala. نعم لا ولكن هذا ليس صح ولكن هو لم يدخل في قسم المجتهدين هذا لماذا لأنه ماذا لأنه دائما يأتي بأمور تخالف النصوص والكتاب والسنة دائما والأمور المحكمة فهو لا يدخل في صنف المجتهدين المخطئين يدخل في قسم آخر من المضللين الله المستعان نعم الله المستعان نعم يقول ويجتنب يقول بعد ذلك وفي رواية أبي الحارث عن الإمام أحمد رحمه الله قال ما تصنع بالرأي والقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه Il a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec les opinions et les analogies, ou l'analogie, alors que le hadith, hein, il est là, et que quand il y a le hadith, t'as plus besoin d'autre chose que le hadith. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس وذكر قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا donc l'imam al-Bukhari il a mis comme chapitre dans son livre dans son sahih un chapitre qu'est-ce qui est rapporté au sujet du blâme de se baser sur sa raison ou son opinion et de faire des qiyas et il a mentionné le verset 36 dans Sourate Al-Isra, et ne cherche pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Ne parle pas de ce dont tu n'as aucune connaissance, car lui, la vue et le cœur seront tous questionnés. Et il mentionne par la suite, وَذَكَرَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ فِي مَوْتِ الْعُلَمَاءِ وَظُهُورِ عُلَمَاءِ السُّوءِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُمْ فإذا كان هذا كلام أهل العلم في القياس مع وجود الدليل فكيف إذا عرض به الدليل وكيف إذا كان من أضعف أنواع الأقيسة فإن هذا النوع من القياس أشبه ما يكون بقياس الشبه الذي هو من أضعف أنواع قياس الشبه الذي هو من أضعف أنواع الأقيسة وهو القياس بغير علة أو دليلها ويراجع إعلام الموقعين ويراجع إعلام الموقعين donc il dit que si on regarde le hadith d'Abdullah ibn Amr hein, parce que c'est ça il a mentionné ce hadith là à propos de la mort des ulama l'imam al-Bukhari il a mentionné ce hadith là dans ce chapitre le hadith que les savants vont mourir et qu'il y aura des ulama qui sont corrompus vers la fin des temps, qui vont faire des fausses fatwas. Donc, na'udhu billah, on demande on cherche refuge en Allah contre eux, et il dit ça, si c'est ça la parole des ulama, au sujet du qiyas, alors qu'il y a un texte, parce que le qiyas, il n'est pas interdit complètement, mais tu n'as pas le droit de faire le qiyas lorsqu'il y a un texte clair, explicite sur quelque chose. Donc, si c'est comme ça que les savants ont parlé du qiyas, lorsque quelqu'un fait un qiyas alors qu'il y a une preuve présente qui est explicite au sujet d'une chose, hein, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de celui qui oppose la preuve elle-même par ce genre de qiyas? Et non seulement ça, mais c'est que ce genre de qiyas qu'il a utilisé fait partie des formes les plus faibles de qiyas, et c'est une catégorie de qiyas qu'on appelle qiyas shabah, et c'est la plus faible des formes de qiyas, pourquoi? Parce que elle n'a pas de raison, c'est-à-dire elle n'a pas de, c'est-à-dire de illa, c'est-à-dire la illa, c'est-à-dire la cause de l'analogie qui relie les deux choses, la base avec le jugement, il n'est pas présent, le texte de base et le texte de base et le verdict sur lequel auquel tu veux arriver pour essayer d'établir ce jugement-là au sujet de cette chose-là, mais il n'y a aucun lien qui les relie. Et donc, il dit, retourne au livre d'I'lam al-Muwaqqi'in, de l'imam ibn al-Qayyim. Rahimahullah. Bon, en tout cas, j'essaie d'expliquer le plus clairement possible. Peut-être que, bon, ça semble un petit peu difficile à traduire parfois, parce qu'il y a des termes, surtout quand on parle de qiyas et de illa et tout ça, c'est des termes de usul al-fiqh, et puis, des fois, j'ai pas le bon vocabulaire pour traduire, mais bon, j'essaie de vous donner quand même un rapprochement. Après, comme troisième argument, il dit « وَاِسْتِدْلَالَاتٌ عَجِيبَةٌ خَارِجَةٌ عَنِ الْقَوَاعِدِ الْعِلْمِيَةِ » Et ça, c'est triste, parce que c'est ça ce qui se passe des fois. Quand un savant ou quelqu'un qui a de la connaissance de la charia s'adresse à un public de personnes qui n'ont pas de connaissance de la charia, et que cette personne-là est malhonnête, ou bien qu'il veut leur faire croire n'importe quoi, c'est facile pour lui. Il est capable de faire facilement parce qu'il a tellement de vocabulaire qu'il utilise et la force qu'il utilise dans sa façon de parler et pour convaincre les gens, il est capable de leur faire accepter n'importe quoi. Et déjà que les gens ont déjà une impression en le voyant et un respect pour lui, hein, donc ils vont jamais penser que cette personne-là leur dit quelque chose de faux, hein, de contraire à la vérité. Et donc, il va sortir avec des règles qui sont en totale opposition avec les fondements de la charia. Et les gens le savent pas. Et ils l'écoutent et ils pensent que c'est vrai. Parce qu'ils sont ignorants. Donc, le cheikh, il dit, استدلالاتٌ عجيبة خارجة عن القواعد العلمية فضلا عن الضوابط الشرعية كقوله ويشبه هذا التعبير قوله تعالى في شأن الصفا والمروة إلى آخره. Donc il compare ça, il dit que parmi les exemples de preuves étonnantes qu'il ramène et qui sont en dehors des règles de la science islamique, hein, et sans parler des principes de la charia, il dit que ça ressemble à cette expression-là ressemble à la parole d'Allah quand il parle de As-Safa wal-Marwa. Subhanallah, كيف يريد أن يجمع بين ما لا يمكن جمعه تكثيرا للشبه واستجابة للهوى ومسايرة للواقع وإلا فما علاقة ما أشار إليه بتهنئة الكفار في أعيادهم وانظر رحمك الله إلى كلام أهل الصدق والاستجابة والغيرة قال ابن القيم رحمه الله معلوم أن التقى ليست بموالاة ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراء منهم ومهاجرتهم بالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية وليست التقية موالاة لهم بدائع الفوائد فكيف بعد هذا يستدل بهذه الاستدلالات العجيبة بما ينافي العقل والدين لهم من الله لهم اللهم هؤلاء المتلاعبون بدين الله لهم ينهى شيء كثير هؤلاء هم المتلاعبون بدين الله و j'ai pas compris exactement. Il dit que Al-Qardawi c'est basé sur un exemple qui a rapport avec As-Safa ou Al-Marwa. Il dit subhanallah comment il, mais il n'a pas continué la phrase. Donc il dit comment il peut essayer de réunir entre des choses qu'on ne peut même pas réunir, hein, pour augmenter le nombre de choubouhats qu'il amène et pour suivre les passions et pour essayer de se conformer à la réalité du monde actuel, soi-disant. Parce que c'est quoi le lien entre le fait de saluer les koufars et de leur souhaiter bonne fête dans leur jour de fête, hein, et la preuve qu'il a mentionnée. Et regardez qu'est-ce que les ulama de Sidq et de Stijaba et de Ghayra ont dit à ce sujet-là. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il a dit que « At-Tuqa comme si quand tu montres pas aux mouchriquins qu'est-ce que tu as pour eux de haine et du fait que tu détestes leur religion, tu leur montres pas et tu leur montres pas parce que par exemple tu crées par exemple de leur part une forme de mal, de trahison. Il dit que ça fait pas partie de l'mouala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit de prendre pour alliés les kuffars. Et ça implique que tu dois les détester et te désavouer d'eux et t'éloigner d'eux. Muhajaratuhum bil udwan fi kulli hal, en toute occasion. Si t'as peur de leur mal, qu'ils te fassent du mal et que tu crains d'eux quelque chose de mal, dans ce cas-là, tu as le droit de cacher cette opposition-là et cette haine-là, hein, mais ça fait pas partie de التقية. Il dit, فكيف بعد هذا يستدل بهذه الاستدلالات العجيبة. Il dit, comment après ça il peut se baser sur ces genres de preuves-là, التقية. إلا أن تتقوا منهم تقاة. Là, j'ai pas compris parce que le texte de la fatwa au complet, il l'a pas mentionné. Puis je l'ai pas amené avec moi. Et je me souviens plus c'est quoi la suite. Donc il dit ça, c'est des gens qui jouent avec la religion d'Allah. Il dit ونختم هذا الرد المختصر بثلاثة تنبيهات من طوام تدين تدين هذا الرجل الذي يبثه في فكره وكتاباته وأشرطته ولقاءاته ومنها ما يبثه في هذه الفتوى الضالة. Il dit, on va terminer par trois points qu'on veut donner pour avertir les gens au sujet des graves erreurs de cet homme-là, qu'il transmet dans ses pensées, dans ses livres, dans ses cassettes et dans ses rencontres, et qu'il fait diffuser par ses fatwas égarés. التنبيه الأول دغدغته ودعوته إلى وحدة الأديان. فقال الضال في فتواه: فالقرآن لا يناديهم إلا بيا أهل الكتاب ويا أيها الذين أوتوا الكتاب. فيشير بهذا إلى أنهم في الأصل أهل دين سماوي. فبينهم وبين المسلمين رحم وقربى تتمثل في أصول الدين الواحد الذي بعث الله به أنبياءه جميعا. فانظروا رحمكم الله إلى هذا المسكين الذي لا يريد أن يفرق بين الأنبياء وأتباع الأنبياء. فالأنبياء دينهم واحد، ولكن أتباعهم منهم الصادق ومنهم الكاذب، منهم المتابع ومنهم المغير والمبدل، وإلا فمن المغضوب عليهم والضالين الذي نقرأ بها، بل إن الصادقين منهم بعد مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو لم يؤمنوا ويتابعوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم لازال عنهم الدين السماوي ولم يكونوا من أتباع الأنبياء أهل الدين الواحد. ففي حديث عمر عند أبي داود بإسناد حسن: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وليس هذا بغريب عن أمثال القرضاوي من دعاة السوء والضلال. فانظروا إلى المؤتمرات التي حضرها وفيها الدعوة إلى وحدة الأديان مما يتبناها رؤوس الكفر العلني. فهو ممن حضر مؤتمر موسكو الذي عقد في عام 1415 الموافق 1995 ميلادي بعنوان الإسلام والتفاهم العرقي والديني في العالم المتغير، والناس مجتمعون في مكة للحاج وهو في موسكو مع الشيوعيين واليهود والنصارى، ويقول متفخرا: حضرت هذا العام شهر مايو الماضي مؤتمرا في موسكو وكان حول الإسلام والتفاهم بين الديانات والشعوب الأخرى وشارك فيه مسيحيون ويهود وغيرهم وفي آخر الصيف حضرت حفلا تكريميا للقاء المسيحيين وبعض المسلمين نظمه مجلس الكنائس للشرق الأوسط الشرق الأوسط العدد 2789 فهذا منهج أهل المسايرة الواقع يقول القرضاوي التعايش بين الإسلام والمسيحية أصبح أمرا ضروريا وأصبح من المطلوب منا أن نبحث عن الجوامع المشتركة وأن يحاور بعضنا بعضا بغاية الوصول إلى أهداف إيجابية بناؤه إيجابية بناؤه En tout cas, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est vraiment incroyable. Premier point, c'est que Qardawi, il appelle à l'union entre les religions. Et donc, cet égaré-là, il dit dans sa fatwa, le Coran les a appelés par Ya Ahl al-Kitab. Il ne les a pas appelés par autre que Ya Ahl al-Kitab. Et il dit qu'il les appelle aussi par oh, ceux qui ont reçu le livre. Et donc, il veut dire par là, en parlant d'Allah, il dit, ils veulent dire qu'ils ont une même base, hein, qu'ils sont sur la même base des gens des religions célestes. Et entre eux et entre les musulmans, il y a des liens de rapprochement et de parenté qui sont représentés dans les fondements d'une seule et même religion qu'Allah a envoyé, par laquelle Allah a envoyé ses prophètes. Tous ces prophètes. Donc, le cheikh il dit, regardez, qu'Allah vous fasse miséricorde, regardez ce miskin, hein, il veut pas faire de distinction, parce que c'est ça ce qui se passe. Il y a une différence entre les prophètes, et de dire que les prophètes sont sur une seule et même religion, et les gens qui prétendent suivre ces prophètes. Les gens qui prétendent suivre ces prophètes, eux, ils ont divergé de la voie de leurs prophètes souvent, comme les chrétiens ou les juifs. Non. Donc, comment tu peux dire que et on est tous sur une seule et même religion? Après, il dit Falambiya, dis-nous, hein, les prophètes, leur religion est une seule et même. Hein, mais parmi les gens qui disent qu'ils suivent ces prophètes-là, il y en a qui mentent, il y en a qui sont sincères, il y en a qui suivent, il y en a qui ont changé la religion. Et sinon, yani. يقول وإلا فمن المغضوب عليهم الضالين sinon c'est qui les مغضوب عليهم et les ضالون c'est les juifs et les chrétiens les gens qui ont encouru la colère d'Allah et les égarés ce sont les chrétiens الذي نقرأ بها on lit ça dans chaque salat dans chaque rak'a بل إن الصادقين منهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لو لم يؤمنوا ويتابعوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم لازال عنهم الدين السماوي ولم يكونوا من أتباع الأنبياء أهل الدين الواحد. Donc le cheikh il dit que ceux qui sont sincères, hein, lorsqu'ils ont vu que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم est venu, hein, ils ont cru en lui, ils sont devenus musulmans. Mais si ils ne croient pas en lui et ne le suivent pas et qui ne suivent pas ce qu'il a amené comme religion, eh bien, ils ne font plus partie des gens qui suivent la religion céleste. Et ils ne font pas partie des gens qui suivent les prophètes, qui sont les gens qui suivent une seule religion. Et même que Omar, il s'est rapporté dans un hadith de Omar, dans Sunan Abi Daoud, avec une isnad qui est hassan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Moussa était vivant, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Hein? Donc, ça c'est pas étonnant de la part de Al-Qardawi parce que lui-même il fait partie des gens qui appellent au mal et à l'égarement. Regardez qu'il a même été présent, il a assisté à une conférence internationale à Moscou, hein, pour appeler les gens à une seule religion, pour dire que les gens doivent former une seule et même religion. Et ça c'est la da'wa des francs-maçons. C'est l'idéologie des francs-maçons qui veulent unir entre les juifs et les chrétiens et les bouddhistes et les hindous et toutes les croyances, et ils veulent que tout le monde soit uni, hein. Et il y a des musulmans parmi les groupes musulmans aujourd'hui comme les Ikhwan et Qardawi et d'autres qui appellent les musulmans à participer à ça et à rentrer dans ça. Et donc il est allé dans cette conférence là à Moscou, hein, et il y a beaucoup de gens qui sont venus à cette conférence là parmi les têtes du Kufr international, et ça se passait dans le mois de mai, mais dans le mois islamique c'était Dhul-Hijjah, en 1415, le mois de Dhul-Hijjah, et l'année chrétienne c'était 1995, c'était cette année-là que j'étais au Hajj en fait, hein, le mois de mai 1995. Et bien, subhanallah, c'était pendant le Hajj, lui il était à Moscou, pendant que ses frères étaient à Mecca, pendant que les gens étaient à Mecca, les musulmans. Et il dit que le titre de la conférence c'était l'islam et la compréhension ancienne et religieuse dans le monde changeant actuel. Il dit que les gens sont, il y en a donc, c'est ça, il dit que les gens se sont réunis là-bas, les gens étaient à Mecca alors que lui était à Moscou avec les communistes, les chrétiens et les juifs. Donc il dit, Qardawi, comme en étant fier de ça, il se vante de ça, il dit, moi j'ai participé à, en mai, cette année, à une grande convention à Moscou au sujet de l'islam et de la compréhension entre les religions et les peuples et les autres peuples, et des chrétiens et des juifs ont participé et d'autres religions aussi. Et il dit, et à la fin de l'été, j'ai participé à une fête honorifique, hein, et à une rencontre avec les chrétiens et certains musulmans, et ça a été organisé par le siège des églises du Moyen-Orient. Le siège de l'église du Moyen-Orient. Oui, c'est ça. Il fait des fatwas des fois contradictoires. Et c'est pour ça, les gens qui, il y en a des gens qui l'aiment, ils vont le défendre, ils disent, ah oui, il dit que c'est permis de faire des attentats kamikazes. Hein? Subhanallah. Il dit que les juifs et les chrétiens sont des frères pour lui. Et après, il dit que les attentats suicides, c'est permis. Puis après ça, il dit qu'en Irak, c'est permis que les gens combattent les Américains. Et puis après ça, il dit qu'on ne combat pas les Juifs pour la terre, pour la religion, mais uniquement pour le territoire. Hein? Toutes sortes de contradictions dans ces fatwas, et ça ne fait aucun sens. Non. Exactement. Et Allah, il dit dans le Coran, les Juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives, tant que tu n'as pas suivi leur religion. Donc, comme un cheikh Mohammed Al-Imam, hein, il expliquait dans une cassette qu'il a fait sur ce sujet-là, il a dit, nous, on n'a pas d'autre devoir et responsabilité envers les Juifs et les chrétiens que de leur dire accepter l'islam et de les appeler à l'islam. Mais c'est pas d'aller s'asseoir avec eux puis dire, oh, ok, on va faire des dialogues avec vous, puis on va changer des choses en islam, mais vous acceptez-nous, aimez-nous, hein, comme certains musulmans ici, ils essaient de faire. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'il dit après le Qardawi? Il dit, c'est important, il dit qu'il y ait un échange ou une vie, comment je pourrais dire, qu'on vive ensemble harmonieusement entre les chrétiens et les juifs. Il dit ça, c'est devenu nécessaire, hein, et c'est devenu quelque chose qu'on devrait tous essayer d'atteindre, et d'essayer de voir les choses qui nous réunissent et les choses qu'on a en commun. Je ne sais pas ce qu'on a en commun avec des gens qui adorent la croix et qui prient à un être humain, puis qui adorent des saints et qui disent que Dieu est trois en un, hein, et qui font toutes les formes de shirk et de kufr. Donc c'est ça. Après il dit, et il faut qu'on dialogue entre nous pour arriver, hein, dans le but d'arriver à une conclusion positive, hein, et constructive. quelque chose de constructif. Moi, je comprends pas ce genre de dialogue, qu'est-ce qu'ils essaient d'établir. Après, les djalis dans le watan. فَحْذَرُوا مِثْلَ هَذِي الدَّعْوَةِ نَعْمُ. Il va jamais être satisfait. Exactement. Il va dire, un chrétien ou un juif, il va dire, ok, par exemple, ta barbe, est-ce que tu peux la raser? Là, tu vas la raser. La tailler juste un peu. Il va dire, est-ce que tu peux la raser au complet? Après, tu vas n'importe quoi, il va trouver quelque chose d'autre. Hein? Exactement. Et après, il va dire, bon, est-ce que tu pourrais comme pas prier trop souvent comme ça, parce que là hein, on a besoin des employés qui sont toujours actifs. On veut pas des gens qui s'arrêtent pour la prière, puis après ils reviennent. Est-ce que tu peux comme faire ta prière plus courte? Et après ils vont dire, est-ce que tu peux comme faire ta prière chez toi, ou bien la faire après le travail, comme plein de musulmans font aujourd'hui. Exact. Exactement. Celui qui prend sa pause, il prend 15 minutes à chaque fois pour aller fumer une cigarette dehors, et puis quand c'est toi qui veux aller faire ta prière, eh bien là ça dérange. Donc ça c'est des exemples, comment ces gens-là ils contredisent. Non. On sait comment on va. Non. Non. Non. Pas d'un. C'est comme ça, comme... C'est ça. Comme on dit par exemple, nous on est dans ce pays-là, actuellement on est dans le pays des koufars, on est dans le pays des juifs et des chrétiens, bon. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de dire qu'on est d'accord avec leur religion et avec leurs croyances et avec leurs principes sociaux ou politiques et leurs valeurs. Exact. C'est ça, on peut les appeler à l'islam et leur montrer la vérité. Mais là, de dire, de s'asseoir avec eux puis dire, on est Québécois comme vous, puis on a les mêmes valeurs que vous, puis acceptez-nous, puis vous devez pas nous détester parce qu'on est musulmans, hein, faut pas avoir de l'islamophobie, puis des choses comme ça, hein, exactement, astrolabe. Donc, c'est des exemples de certaines mentalités que certains groupes musulmans ont. Alhamdulillah, le Coran, il est clair là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout clarifié dans le Coran. Alhamdulillah. Donc le cheikh il nous prévient, il dit فاحذروا مثل هذه السقطات رحمكم الله التي يدعو إليها دعاة السوء والضلال أعاذنا الله والمسلمين منهم. نعم. نعم. إيه نعم. Exactement. Il dit le Tantawi, hein, il l'a vu assis avec les prêtres et le pape et les évêques chrétiens. Il est assis avec eux, puis hein, Allah musta'an. A'udhu billah. Donc c'est ça. Ça c'est des exemples de gens qui travaillent. A'udhu billah. Exactement. Exactement. Exactement. ولكن هؤلاء يعني عندهم مشاكل في دينهم وعقيدتهم. اي نعم صح. Ils ont peur de perdre leur position, يعني c'est ça l'affaire. Le chef il dit, لا بس بارك الله فيكم. الحمد لله. تعليق مفيد. Après il dit, التنبيه الثاني عقلانيته وجرأته على الدين. قال في فتواه الضالة, فإذا كان الكتاب يأتيك ويهنيك ويعيد عليك في عيدك ويشارك في أتراحك ومصيبتك ويعزيك بها, فما المانع من أن تهنئه بعيده وفي أفراحه وتعزيه في مصيبته؟ الله سبحانه وتعالى يقول, وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فانظروا رحمكم الله إلى هذه الجرأة مع ما لا يخفى على أدنى مسلم فضلا على أمثاله ممن ينتسب إلى العلم من حكم الإسلام في التسليم على الكفار, ف فلا يرد عليهم بتحية كاملة فضلا أن يبتدئوا بسلام. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أما الكافر فحكم الرد عليه أن يقال له عليك وعليكم. وقال ابن عباس وغيره: إذا حييتم بتحية فإذا كانت من مؤمن فحيوا بأحسن منها، وإن كانت من كافر فردوا على ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال لهم وعليكم. وقال عطاء: الآية في المؤمنين خاصة، ومن سلم من غيرهم قيل له وعليكم أو عليك كما جاء في الحديث بلفظه. ثم ذكر رحمه الله الخلاف في إثبات الواو في وعليك، وأن الأفضل حفظها لأمرين: الأول رجحان رواية النفي، والثاني أنها أسلم وأوضح من جهة المعنى حتى لا يوهم إشراك الكافر في السلام بمعنى. فانظروا رحمكم الله إلى هذه الحرص، إلى هذا الحرص والاحتياط على الدين مع ما عليه دعاة السوء والضلال من الجرأة على الدين. Il donne un exemple ici de sa bid'a de aqlaniya, des gens qui jugent par leur raison. Lui, il parle dans le langage des gens qui n'ont pas de connaissance de l'islam pour leur dire qu'est-ce qui leur fait plaisir ou qu'est-ce qui va leur paraître être logique selon leur mentalité à eux, parce qu'ils n'ont pas de connaissance de la religion. Donc, il a dit dans sa fatwa égarée, il dit que si le kitab, c'est-à-dire le juif ou le chrétien, il te vient et il te salue et il fait ta fête avec toi quand c'est ton aide à toi, et il participe avec toi lorsque tu as des problèmes et yani, il te souhaite tes condoléances lorsque tu as un mort ou des choses comme ça, alors toi qu'est-ce qui t'empêche dans ce cas-là de le féliciter quand il a une fête et de lui souhaiter bonne fête quand il a sa fête à lui, et de te réjouir avec lui et de lui souhaiter des condoléances lorsqu'il a quelqu'un qui meurt lui aussi. Et il mentionne le verset 86 dans Sourate An-Nisa: et si on vous salue d'un salut, alors répondez par le même salut ou mais quelque chose de meilleur. Ça veut dire quelque chose de meilleur ou bien le même. Ça veut dire si quelqu'un te dit assalamu alaikum, mais tu réponds wa alaikum salam ou quelque chose de plus comme wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais là, lui il utilise ce verset-là comme preuve. Si on te salue, alors tu peux répondre le salam. Et le cheikh, il dit, regardez cet affront, comment il répond de cette façon. Il dit, tout musulman, peu importe le musulman, il est toujours, tous les musulmans, ils savent. Hein, sans compter les ulama et des gens comme lui qui prétendent des ulama, ils savent le verdict de l'islam au sujet du salut envers les koufars. Et qu'on ne doit pas leur remettre complètement leur salam, si, et qu'on ne doit pas leur dire en premier non plus, hein, le salam, le salut. Donc, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Qurtubi dans son tafsir. En ce qui concerne le kafir, on ne lui remet pas le salut qu'il nous a envoyé, mais on dit « wa alaykum » et sur vous. Il dit que Ibn Abbas et d'autres ont dit ça. Et après, il dit, mais si c'est un musulman, tu réponds par quelque chose de meilleur, ou bien tu réponds la même chose, tandis que si c'est un kafir, tu réponds comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que tu dis wa alaykum. Et Atta, wa qala Atta, al-ayat al-mu'minin khasfa. Atta, il a dit que ce verset est uniquement pour les croyants en particulier. Hein? Et si quelqu'un d'autre que les croyants te salue, alors tu réponds par « wa alaik ». Et même il y en a qui ont dit juste « alaik », qu'il ne faut pas rajouter le « wa ». Donc, il dit « regardez à quel point les ulama ont été précis dans leur façon d'expliquer la religion, jusqu'au point de commencer à dire « est-ce que tu dois dire le « wa » ou non ?» alors que lui, il répond ça comme ça y est, tu as le droit de le faire, c'est permis. Après, il dit, at-tanbih al-thalith, le troisième point, tasahul wa mughalata ilmiya, wa hiya sifatun lazimatun li du'ati as-su'i wad-dalal, mimma dhakarahu al-qardawi fi hadhihi al-fatwa min al-mughalata, wa aktharu min hadha annahum jawwazu لإمام المسلمين أن يستعين بغير المسلمين بخاصة أهل الكتاب في الشؤون الحربية وأن يسهم لهم من الغنائم كالمسلمين وروى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم وأن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وكان لا يزال على شركه وقال قبله وهؤلاء بالتعبير الحديث مواطنون في الدولة الإسلامية وأجمع المسلمون منذ العصر الأول إلى اليوم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم إلا ما هو من شؤون الدين والعقيدة فالإسلام يتركهم وما يدينون. Donc ça c'est ce qu'il a dit. Le troisième point de Al-Qardawi c'est qu'il prend les choses à la légère et il fait des erreurs dans la religion qui sont des graves erreurs. Et ça c'est une caractéristique qui est disons propre aux gens qui appellent au mal et à l'égarement. Parmi les exemples de qu'est-ce que on parle, il mentionne les paroles dans cette fatwa de Qardawi quand il dit que encore plus que ça, il dit que ils ont permis à l'imam des musulmans de prendre l'aide des non-musulmans, en particulier les gens du livre, dans les choses qui ont rapport avec la guerre, et qu'on a le droit de leur donner une part des butins, comme aux musulmans. Et il rapporte que Az-Zuhri a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris l'aide des juifs dans sa guerre et il leur a donné une part de, du butin et il dit que Safwan ibn Umayya est sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une bataille, dans la bataille de Hunayn et il était encore dans le shirk. Après il dit, et avant ça il avait dit, et cela, dans les termes actuels ou modernes, on les appelle des muwatinoun, c'est-à-dire des citoyens dans l'État islamique. Et c'est-à-dire, ils les appellent plus, ils refusent qu'on appelle les gens du livre qui vivent dans les pays musulmans, qu'on les appelle al-dhimma. Ils veulent qu'on change ça pour qu'on les appelle muwatinoun, c'est-à-dire des citoyens. Et il dit, les musulmans sont tous d'accord, depuis les premiers temps jusqu'à aujourd'hui, que les gens du livre, ou que les chrétiens et les juifs, ont la même chose que les musulmans ont, hein, ce qui est les droits que les musulmans ont, ils ont ces droits-là aussi, et qu'est-ce qui est de responsabilité des musulmans, eux aussi ils ont ces responsabilités-là. Excepté en ce qui concerne la question de religion et de aqidah, hein, et ça c'est connu parce qu'il a fait une fatwa même pour interdire aux musulmans de faire des du'as contre les kuffars et les mushrikins et les gens du livre. Non, lui il a interdit ça, tu vois. Après il dit وَقَدْ شَدَّدَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَصِيَّةِ بأهل الذمة وتواعد كل مخالف لهذه الوصايا بسخط الله وعذابه فجاء في أحاديثه الكريمة من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذى آذاني فقد آذى الله ومن آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة ومن ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. فانظروا إلى هذه المغالطة وهذا التساهل في حكاية الأقوال وذكر الأحاديث مما ينافي الأمانة العلمية والديانة الصحيحة، فلا يخفى على صغار طلبة العلم فضلا عن غيرهم خلاف أهل العلم في حكم الاستعانة بالكافر، مع أن الراجح التفصيل جمعا بين الأدلة، فعم الرجل الخلاف وأضاع التفصيل، بل زاد أن ذكر مسألة السهم للكافر مع أن العلماء احتاطوا في المسلم الذي لم يشهد الوقعة فكيف بالكافر. فعن أبي موسى الأشعري قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فقسم لنا ولم يقسم لأحد ممن لم يشهد الفتح غيرنا، رواه البخاري ومسلم. فانظر إلى غلطته وتساهله في تعبير الذمي والمواطن، فبينما فرق ظاهر فبينهما فرق ظاهر. فالكافر الذي يسمى مواطن لم يوضع منزلته الشرعية حتى يسوى بأهل الذمة، بل الواقع أنه قد حصل التساهل في هذا الباب بما ينافي شروط أهل الذمة التي ذكرها العلماء، فإن العلماء ذكروا لأهل الذمة شروطا، منها فرض الجزية على النفس والخروج على الأرض وعدم إظهار والخراج على الأرض، نعم، وعدم إظهار المحرمات وغير ذلك مما ذكروه في كتاب الجهاد في باب عقد أهل الذمة وأحكامها. ولكن الرجل لا يحب ذلك ويظن بعقله أن ذلك يشوه الإسلام، ولذلك أسقط في كتابه غير المسلمين، أسقط الجزية عن الفقراء وأنهم معفوون وإعفاء تاما ونحوها من التفاصيل التي يحكم بها بالعقل. وانظر إلى استدلاله بالأحاديث الضعيفة التي قد نبه على ضعفها قبل سنوات عديدة، كما قال كما في غاية المرام للشيخ الألباني. أي نعم، انظر إلى الاستدلالات بالأحاديث الضعيفة. أي نعم، كحديث ابن مسعود الثاني: من آذى ذميا، هذا حديث ضعيف، نبه على ضعفه في صفحة 469، وقد ذكر حديث أنس الأول ونبه على ضعفه، ولكن بلفظ من آذى مسلما، فلا ندري أهل غلط أهي غلطة أم كذلك من تساهله ليوافق استدلاله لما يهواه. فانظر رحمك الله إلى الإصرار والتساهل على رواية الأحاديث الضعيفة، وهذه كذلك من صفات دعاة السوء، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. Donc on va terminer, ça c'est le dernier point. Il dit que c'est ça, Al-Qardawi il a mentionné dans son livre des hadiths qui sont même pas authentiques. Par exemple, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les gens à être bons envers les gens de Ahl al-Zimma, et il a menacé toute personne qui contredit cette consigne, que Allah allait être en colère contre lui et qu'il allait le châtier. Et il dit que c'est rapporté dans les hadiths: celui qui fait du mal ou qui fait du tort à un dhimmi, alors c'est comme s'il m'a fait du tort à moi, et celui qui me fait du tort à moi, c'est comme s'il a fait du tort à Allah. Et il mentionne un autre qui dit: celui qui fait du tort à un dhimmi, je vais disputer contre lui au jugement dernier, et celui que je dispute contre lui, alors celui fana khasmu, c'est-à-dire c'est moi qui va disputer contre lui au jugement dernier. Après il mentionne un autre exemple, il dit: celui qui fait une injustice à quelqu'un qui a une entente avec les musulmans et qui le diminue dans ses droits et qui lui donne à faire qu'est-ce qui est trop lourd pour lui, et qui prend quelque chose de lui sans que cette personne-là ait voulu lui donner, alors je vais disputer contre lui au jugement dernier. Il dit, regardez de quelle façon il mentionne les choses. Et regardez de quelle façon il mentionne les hadiths sans aucune fiabilité scientifique, hein, et aucune honnêteté scientifique. Et il dit que tous les tulab ilm, même les plus petits, hein, ils savent que le verdict au sujet de prendre l'aide des kuffars, il y a un désaccord entre les ulama à ce sujet-là. Il dit, et la position qui est correcte, après les conditions et les détails, quand on réunit toutes les preuves, hein, c'est que c'est permis. Toutefois, la personne, lui, Al-Qardawi, il a généralisé, hein, et il n'a même pas mentionné les détails de cette question-là. Et en plus, il a même exagéré en mentionnant que le kafir, il peut avoir une portion du butin de la guerre. Alors que les ulama, ils ont douté pour le musulman qui n'a pas été parmi ceux qui ont fait l'attaque ou qui ont participé au combat. Alors comment on pourrait, dans ce cas-là, donner pour un kafir si on doute pour un musulman? Et il mentionne le hadith apporté par Abu Musa al-Ash'ari, qu'il dit que je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un groupe de la tribu de Al-Ash'ari, Al-Ash'ariyoun, et il nous a donné à chacun une partie de butin, et il n'a pas donné à aucun de ceux qui n'avaient pas participé à la conquête en dehors de nous. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari al-Muslim. Il dit, regardez donc l'erreur de cette personne-là, ce genre d'erreur intentionnelle, on dirait, ou bien sa façon dont il est très permissif, yani, comment il est dans sa façon d'utiliser les termes, hein, c'est ça, il utilise le terme citoyen au lieu d'ennemi, hein, comme si c'était des synonymes, alors qu'il y a des conditions à respecter selon la charia pour que la personne soit parmi les gens de Zimma. C'est pas appliqué, les règles des gens de Ahl al-Zimma ne sont pas appliquées sur les citoyens soi-disant qui sont pas musulmans dans les pays musulmans. Donc il dit que ça c'est à cause du fait qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller dans la question des conditions de Ahl al-Zimma, et ces conditions-là ont été mentionnées par les ulama dans les livres de fiqh, dans le chapitre Ahkam Ahl al-Zimma, ou Aqd Ahl al-Zimma. Si vous regardez dans les livres de fiqh de n'importe quel madhab, dans le chapitre du djihad, vous voyez, il y a un chapitre qui parle de Aqd Ahl al-Zimma, et dans ce chapitre-là, les règles sont expliquées. Même dans le livre de Sharh Zad al-Mustaqni', Sharh al-Mumti', Sharh Zad al-Mustaqni' du Cheikh Ibn Uthaymeen, quand il parle de ça, des conditions pour les gens d'Ahl al-Zimma, il parle du fait que les chrétiens, ils n'ont pas, les juifs dans les pays musulmans, ils n'ont pas le droit de monter un cheval. Les cheikhs, ils doivent monter un âne. Et il dit, si c'est aujourd'hui, maintenant on n'utilise plus des chevaux ou des ânes, et ça, il dit, dans ce cas-là, c'est les voitures. Donc ils ne peuvent pas monter et avoir des voitures luxueuses et des grosses voitures. Doivent avoir des petites voitures. Donc c'est des exemples. Ouais. Et c'est ça. Et il dit qu'ils doivent payer la jizya, ils doivent donner une certaine portion des récoltes qu'ils font aux musulmans. Ils doivent pas montrer leurs péchés, les choses qu'ils font comme l'alcool et le porc, exposer ça. Et tout ça, c'est mentionné dans les livres de djihad. Dans le chapitre qui a rapport avec Ahkam Ahl al-Zimma. Et il dit toutefois, il dit, l'homme, il aime penser avec sa raison que de mentionner ces choses-là, ça salit l'image de l'islam. De mentionner ça, pour lui, ça salit l'image de l'islam. Et même qu'il disait dans l'article que j'ai lu, il disait qu'il est en train d'écrire un livre sur le djihad, fiqh al-djihad, et il dit qu'il est plus qu'environ 1000 pages environ. Donc moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir plein de contradictions avec les règles de la charia. De toute façon, le chef il dit, qu'est-ce qu'il dit Naam, asqat al-jizya al-fuqara. Il dit à la page, dans son livre, à propos des non-musulmans, il a fait tomber la jizya, c'est-à-dire il n'a pas obligé la jizya pour les pauvres. Al-ma'foun, il dit qu'ils sont excusés de donner la jizya. Tu vois, même moi je pensais que c'était ça. Même moi je pensais que les pauvres ils payaient pas la jizya parmi les gens du livre. Non, peut-être, Allahu a'lam. Donc il n'a pas expliqué les détails. C'est ça. Mais il dit ça, on ne doit pas juger. Le cheikh il dit, il a jugé ça semble-t-il qu'il a fait sans montrer de preuves. Il a jugé ça juste par sa raison. Il dit que les hadiths qu'il a mentionnés sont des hadiths qui ont été mentionnés comme étant faibles des années, depuis longtemps, depuis plusieurs années auparavant, dans le livre Rayatul Maram, parce que Cheikh Al-Albani il a fait le tahrij des hadiths de Al-Halal wal-Haram, du livre Al-Halal wal-Haram, c'est l'islam de Qardawi, il a fait le tahrij pour mentionner le niveau des hadiths, est-ce qu'ils sont des hadiths sahih ou da'if, et il avait déjà mentionné que ces hadiths-là ne sont pas authentiques. Malgré ça, des années après, il vient, il les mentionne encore une fois comme s'ils étaient authentiques. Ouais. C'est ça. Exactement. Donc, même que c'est lui qui a, je pense que c'est même, je sais pas si c'était ce livre-là ou le livre d'Al-Razal, que c'était lui-même qui a demandé au cheikh de le faire, le tahrij. Je sais pas si c'était celui-là ou un autre livre. Ou faire, en tout cas, j'ai oublié l'autre livre. Donc il dit, je ne sais pas si c'est une erreur de lui, ou bien s'il prend les choses à la légère pour prendre des arguments qui sont en accord avec ses passions. Donc il dit, regarde, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde, regarde l'israr, regarde comment il persiste toujours, et comment il prend les choses à la légère quand il mentionne des hadiths daïfs, et il dit tout ça, il dit ça fait partie des caractéristiques des gens qui appellent au mal et à l'égarement. Donc il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et de yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'u al-qawl fayattabi'u ahsana. Aina, donc c'est ça. Wa iyyakum akhi. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.